On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un met tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à baisser vos merdes? Tu crois que ça va être. Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Wouh! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est Manu dans The Rocks. Peut-être que vous écoutez cette émission tous les lundis soirs de 19h à 19h30 à 21h30. Peut-être que vous êtes un habitué du 96.2 de Radio Arc-en-Ciel à cette heure-là. Peut-être sur le site ontherocks.net, sur le site de Radio Arc-en-Ciel. Peut-être en différé, vous m'écoutez en ce moment sur le site ontherocks.net. Et puis peut-être que vous écoutez ça à Blois le jeudi soir, puisque l'émission est rediffusée sur ZEF. Et puis peut-être que vous écoutez pour la première fois. Eh ben, sachez que ça fait 27 ans que ça dure. C'est une émission sur le rock dans tout ce qu'il a de beau, tout ce qu'il a d'émouvant et tout ce qu'il a de péchu, avec un petit coup de cœur pour commencer l'émission, comme tous les lundis. Il y a quelques jours, le groupe Weezer, groupe américain, était sur scène et ils ont joué à la surprise générale un morceau de Nirvana, Lithium, tiré de l'album Nevermind. Alors le public était aux anges, ils n'ont vraiment pas mal réussi, les Weezer. Et puis dans les coulisses, il y avait quelqu'un de barbu qui a versé une petite larme dans sa barbichette. C'était Dave Grohl, le batteur évidemment du trio Nirvana, qui a explosé en plein vol en même temps que Kurt Cobain a explosé lui-même. Et depuis la mort de Kurt Cobain, si Chris Novoselic, le bassiste de Nirvana, s'est fait plutôt discret malgré ses plus de 2 mètres. Et bien Dave Grohl, lui, est passé de derrière la batterie au devant de la scène avec un groupe qui s'appelle les Foo Fighters, groupe extrêmement populaire aux États-Unis. Et si les Nirvana inventaient un peu quelque chose avec le grunge, et bien eux se contentent de faire du gros rock musclé, un peu mainstream, mais toujours de qualité. Et bien ils viennent de sortir un nouveau single. Dave Grohl, donc, qui a, après avoir séché sa petite larme, c'est lui qui l'a dit, hein, il a dit ce morceau de Nirvana me manque, et ça l'a fait un petit peu, ça l'a ému. Et bien ils reviennent avec un EP. Il y a en quatrième position une reprise du Planète Claire des B-52s, mais en troisième position, c'est pas vraiment le premier titre de ce EP qui m'intéresse, moi. C'est le troisième, ça s'appelle Win or Lose, et c'est ce soir le coup de cœur dans The Rock. C'est une nouveauté, voici le nouveau Foo Fighters. Others are deep like men of sin. Pick up where I live. dancing in the hall, I'm all alone. Voilà un groupe qui est en train de devenir une valeur sûre. Ils sont un peu ce que le concombre est au cucurbitacé. Cucurbitacé, oui, oui, j'ai bien dit. C'était Last Train, ce que Last Train est au rock français, c'est-à-dire une valeur sûre. All Alone, c'est le morceau qui ouvre le dernier album de Last Train, un petit peu en trompe-l'œil, puisqu'il y a plein de morceaux plutôt apaisés sur cet album. On the Rock, ça a commencé en 1992, oui, en 1992, 12, comme le dit Catherine Ringer dans le générique. Eh bien, en 1992, dans On the Rock, on se passait beaucoup de choses qui ressemblaient à ce genre-là, c'est-à-dire que voilà, on était en plein grunge, et ça ressemble fortement à pas mal de groupes américains qui officiaient à l'époque sur ce morceau, en tout cas de Last Train. Ils seront en concert à l'Astrolabe jeudi soir, j'y serai, normalement je réalise l'interview des Last Train, peut-être même un petit morceau live, je sais pas, en tout cas l'interview, ça c'est bien parti. Et puis juste avant, c'était les Foo Fighters avec Win or Lose. On va continuer avec quelque chose d'un tout petit peu plus apaisé, c'est américain, ça s'appelle Jesse Malin, voici quelqu'un qui n'a pas rencontré le succès en Europe, pourtant aux États-Unis très beau succès d'estime en tout cas. Et sur ce morceau qui s'appelle Strangers and Thieves, tiré de son dernier album, eh bien qui trouve-t-on qui fait les chœurs? Eh bien qui trouve-t-on? Je pose la question. Oui, évidemment, vous ne pouvez pas savoir. Eh bien, tendez l'oreille et vous allez peut-être reconnaître Billy Joe Armstrong, chanteur, guitariste de Green Day. Les plus intéressantes du moment, je trouve, c'est Mathiel à l'instant avec son morceau Populonia. Donc voilà, il y a un mélange de riffs de guitare à la Kinks et puis dans son chant une espèce de détachement un petit peu dédaigneux et en même temps une vraie volonté de faire des morceaux assez fantastiques. Vraiment, vous courez sur le dernier album de Mathiel, il est vraiment très très bien. Et juste avant, c'était Jesse Malin avec un album, c'est pas le meilleur album de Jesse Malin, mais il y a quand même des choses assez jolies et assez rafraîchissantes comme ce Strangers and Thieves qu'on s'est diffusé avec Billy Joe Armstrong dans la voix. La musique a de ça de particulier qu'elle peut changer le décor qu'il y a autour de nous et on le voit dans les films, hein, on prend une musique sur des mêmes images, on change de musique et hop, c'est plus du tout les mêmes images alors que pourtant ce sont les mêmes, vous me suivez. Eh bien, si vous prenez votre vie et ce qui se passe dans votre vie avec et sans musique, ce n'est pas pareil. Si vous loupez votre bus par exemple et que vous courez sous la pluie pour essayer de le rattraper, bah, c'est est juste humide et pénible. Mais si dans votre casque vous avez le morceau qu'on va se passer maintenant de Gaspar Sainz qui s'appelle Méandertal, qui est un peu une sorte de morceaux, ça sent bon l'Angleterre, tout ça, eh bien, vous êtes déjà dans un film et vous ne courez pas pareil. Peut-être que même vous êtes heureux d'être mouillé. Vous pouvez tester maintenant, parce qu'il y a une tempête dehors. Allez-y, mettez le casque, loupez le bus, courez, c'est parti. I'll save it for another day. Well, okay. I think I love you, but then I think, no way. I gotta go. for another day. Well, okay. I think I love you, but then I think, no way. I gotta go, but I wanna stay. Just stay. I guess I'll save it for another day. Well, okay. I get mixed up in my head. Il a plusieurs façons de chanter l'amour et de le célébrer. Luis Mariano faisait la belle des cratiques à des yeux de velours. Et puis, il y a les Regrets qui, à l'instant, viennent de nous chanter également une belle mélopée. Cette chanson des Regrets s'appelait California Friends, et sur tout l'album des Regrets, eh bien, la chanteuse et le groupe déclinent un petit peu toutes les façons d'être amoureux, d'être triste en amour. Enfin bon, ça ne parle que d'amour et ça en parle très très bien. Je vous conseille cet album des Regrets pour vous réchauffer en ce début d'automne. Et puis juste avant, c'était Gaspar Sens avec Méandertal. Vous êtes toujours dans On The Rocks, il est 19h58. Nous sommes encore ensemble jusqu'à 21h30. Vous en avez de la chance, moi aussi. Et on va continuer avec une nouveauté, ça s'appelle Pup, non pas Pulp. Vous enlevez le L, ça fait P-U-P, Pup, avec Sibling Rivalry. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais en tout cas, le morceau est assez sympathique. Un peu punk, quoi, un peu punk. Ça peut chanter avec des copains dans un pub, le refrain. Ah oui, en se tenant par les bras, oui. Get it through. N'a pas de frontières, et quand il est bon, et ben on va piocher un peu partout. D'abord, il y a eu Pup avec Sibling Rivalry. Ça, c'était un groupe qui venait d'Ontario, au Canada. Et puis, à l'instant, c'était les Norvégiens de Slotface avec Télépathétic. Très, très bon morceau. Voilà quelqu'un qui revient, et ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. À vrai dire, j'avais un petit peu oublié que j'aimais beaucoup ses albums il y a quelques années. C'est Joseph Arthur qui revient avec un nouvel album. Et ça, ça fait plaisir. Joseph Arthur avait vraiment le vent en poupe lorsqu'il a commencé sa carrière. Il est passé un petit peu dans l'oubli, et pourtant, comment parler d'Arthur ? Eh bien, Arthur, si on se réfère au site très bien fichu pour les jeunes, qui s'appelle Notre Famille, de nature sérieuse, Arthur apprécie l'originalité dans tous les domaines, car pour lui, tout ce qui est unique est beau. Il a le goût de l'aventure et est toujours prêt à faire des découvertes. Arthur ne baisse pas les bras, même s'il n'en a pas, et même face à des problèmes de taille, il les considère comme des défis qu'il doit relever. Arthur profite à fond de sa vie. De nature romantique, Arthur croit en l'amour, l'amour vrai. Pour cette raison, il choisit bien la femme qui partage sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Pour lui, lorsque deux êtres s'aiment, rien ne peut briser leur relation. Arthur est aux petits soins avec ses proches et n'hésite pas à leur apporter secours en cas de souci. C'est une personne sur qui l'on peut compter à tout moment. Et effectivement, je connais des Arthur qui répondent à cette définition et ça convient parfaitement à Joseph Arthur qu'on va entendre maintenant avec son morceau Come Back World. C'est le dernier morceau de Joseph Arthur et je suis sûr que certains d'entre vous sont très joyeux de le retrouver. Mona Lisa said on a chair rust, says she wants to quit, but can't betray the dust. Come back world, or are you already gone? She loved the mountain light, sweeps the ocean floor. From the feeling she gets walking out the door. Come back world, or are you already gone? Gonna follow her anywhere she runs. If she opens the door, I bury my guns. Come back world, or are you already gone? Come back world, or are you already gone? Something hard to find to make. Leave this world behind if you're break it. You can't get off the ground. It's a lot like running from anything significant. Can't you ride? Can't you ride? Can't you ride a satellite tonight? Can't you ride? Can't you ride? Joseph Arthur d'abord, et à l'instant les Black Keys avec leur dernier album qui sont revenus à leurs premières amours, c'est-à-dire de la musique qui fait courir vite, hein, c'est pas de la musique de Kujat, et puis du blues un petit peu comme ça, un peu crasse-pouec, mais avec toujours des très belles mélodies. C'était Every Little Thing, et juste avant c'était Joseph Arthur, Hugolin, pas José Arthur. Joseph Arthur avec Come Back World. Et Joseph Arthur est plus vivant que José Arthur, en proportion. Voilà des gens qui ont joué au Trianon il y a quelques jours à Paris et qui ont sorti un album également. Alors voilà, un album assez mid-tempo, assez demi-teinte, mais même un album en demi-teinte de Wilco, ça reste quand même un album au-dessus du lot. On va se passer le morceau qui s'appelle Love is Everywhere, Beware. Et sur cet album, eh bien, Jeff Tweedy et ses copains ne font vraiment plus semblant de s'en cacher. Eh bien, ça ressemble fortement, effectivement, Martinus, à du George Harrison et à du John Lennon. Tout ça mélangé, ça s'appelle donc Love is Everywhere, Beware. Et c'est tiré du dernier album de Wilco, un morceau que je dédie à mon petit Christophe Arondo. peut-être un de mes morceaux préférés sur le dernier album des Raconteurs, qui est sorti, leur troisième album. Il y a des morceaux très très évidents, puis il y a celui-là qui est un petit peu plus discret, qui se laisse découvrir, mais alors franchement, c'est celui que je préfère, un de ceux que je préfère en tout cas. Ça s'appelle Some Days I Don't Feel Like Trying, et juste avant c'était Wilco avec Love Is Everywhere, Beware. Et c'est vrai, on va continuer avec, qu'est-ce que je vous propose maintenant? Ah bah oui, un groupe que je retrouve toujours avec plaisir, et de plus en plus ils font un rock assez classique américain, mais ils le font vraiment très bien. Ce sont des jeunes gens qui vont finir par être plus très jeunes, mais en tout cas, moi je les suis depuis un moment dans The Rocks, et puis je me lasse pas. Ça s'appelle Twin Peaks, comme la série, oui, comme Columbo. Twin Peaks avec Better Than Stoned, c'est tiré de leur dernier album. À l'instant dans The Rocks, beaucoup de nouveautés ce soir, mais là c'est un petit souvenir. Oh, c'est pas très très vieux, hein. Ça a quelques années. C'était Caillou Casse. Quand je dis ça a quelques années, vous rendez bien compte que je ne sais plus. C'était quand? À mon avis, c'était il y a 3-4 ans. C'était Caillou Casse avec Dancing at the Blue Lagoon. Si vous ne vous êtes pas très moussé sur ce morceau, c'est que vraiment, soit vous êtes en train de manger de la soupe et que c'est à ras-bord, soit que je ne sais pas, vous n'aimez pas le lagon bleu. Et juste avant, c'était une nouveauté. Twin Peaks avec Better Than Stone. On va continuer avec une demoiselle qui s'appelle Penelope Isles. Penelope High Souls avec le morceau Round. Bah oui, je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés dans The Rocks. Eh bien, celle-ci, c'en est une. Et puis, juste derrière, un peu moins nouveau, puisqu'elle était en concert à Rock en Seine. Mais nous, on était dans la bagnole, vous vous souvenez? Penelope High Souls Round. Et juste après, Alice Merton avec Speak Your Mind. forget about the reasons why we cannot sleep and focus on the phone, but realities we can open up the window and sing with the bees. Yeah, we'll open up the window and scream with the trees. I can't believe I'm sitting next to me. Just open up your eyes and tell me, what do you see? Do you see somebody looking back at you? Or do you see somebody that's in love with you? Let's break the clock and learn how to dance. I can't feel my feet or my knees or my hands. Yeah, it must be something in your good night. As it sounds, but there's something kind of special about walking around. Cause it forces you to come undone. Yeah, two colors coming out in California sun. And I wanna know what you're thinking about when you're looking at me and your dimples coming out. Do you see someone looking back at you? Or do you see someone that's in love with you? Feet of my knees and my hands. Yeah, it must be something in your good night. On peut avoir du succès, et c'est son cas avec un morceau qui a vraiment cartonné. C'est pas celui-là, mais en tout cas celui-là est très bien aussi, et être quand même une artiste de talent. Ça s'appelle Alice Merton à l'instant, et c'était Speak Your Mind, et juste avant c'était Penelope Isles avec Round. Et maintenant on va se passer un extrait du dernier album de Brittany Howard. Alors vous connaissez peut-être pas Brittany Howard, c'était la chanteuse d'un groupe dont vous avez probablement entendu parler, surtout si vous êtes des fidèles dans The Rocks, un groupe qui s'appelle Alabama Shakes, qui s'est payé la joie de jouer un morceau de Bruce Springsteen devant Bruce Springsteen, groupe qui est monté assez vite en renommée avec une chanteuse vraiment assez fantastique qui sort donc un album solo, un album étrange, pas toujours caressant dans le sens du poil, mais il y a quelques petites perles sur cet album, et on va se passer le morceau Stay High qu'on entend un peu partout. Oui, c'est une beaucoup de filles ce soir dans The Rock, c'est pas pour me déplaire, mais une fille qui là chante comme Prince qui était un garçon lorsqu'il essayait de chanter comme une fille. Vous me suivez? Ça s'appelle Stay High, Brittany Howard, et c'est elle qui fait toutes les voix sur ce morceau. Si, si. that you come from, yeah. Time I was a hoe, I don't even wanna hold no more. Got you something from the liquor store, little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more, sorry if my heart a little slow. For you all my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Catch you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. Eh oui. Le reste de l'album, il y a peut-être des choses assez dispensables. Évidemment, ça a la finesse d'un tank qui charge à grande vitesse. Mais quelle voix et quel morceau quand même, ce morceau de Lizzy qui s'appelle 'Cause I Love You, tiré de son dernier album en date. Avec voilà, c'est une sorte de d'ogresse pentagruélique comme ça. Et vraiment, ce morceau me prend moi à chaque fois. Alors bon, dès qu'on passe au deuxième morceau sur l'album, c'est moins bien, mais il y a des bien belles choses. Alors ce morceau 'Cause I Love You, elle y va, elle n'hésite pas et elle a les moyens. Donc elle a bien raison. Et puis Britney Howard à l'instant, un petit peu plus dans la finesse avec Stay High. On va continuer avec, on est un petit peu là dans la black music, et ben on continue avec un groupe qui est en train de défrayer la chronique sur scène qui s'appelle les Black Pumas. Peut-être un jour à l'Astrolabe, ce serait bien les Black Pumas. En tout cas, voici un extrait du dernier album, ça s'appelle Touch the Sky. Sur disque, c'est assez sage, mais il paraît que sur scène, c'est vraiment vraiment flamboyant. Mais quand même, sur disque, ça le fait, et c'est pas si loin que la musique que peut jouer les Revivors à Tours. Black Pumas avec Touch the Sky. Thank you. Et voici Michael Kiwanuka. You ain't the problem dans The Rocks. Vous sentez les colpes et la tarte et les pattes d'eff? C'est maintenant. Dans The Rock, c'était Michael Kiwanuka à l'instant avec You Hand The Problem, annonciateur de son nouvel album. Et juste avant les Black Pumas, lui, l'album est sorti. Et je vous le conseille, Touch The Sky. On va à nouveau changer un peu de style dans The Rock avec encore une nouveauté. On va venir à des choses un peu plus émouvantes et un peu plus atmosphériques. Forcément, on attaque la dernière demi-heure de l'émission. Ça s'appelle Joseph, non pas Arthur comme tout à l'heure, Joseph tout court. Et le morceau, c'est Green Eyes. Et ça vient tout juste de sortir. Là, c'est vraiment tout chaud. At the dashboard, passenger window rolled down. That got me thinking there's something we should talk about. It's not worth waiting out. Like I used to the taste, but I swallow it now.

amongst the butterflies and the fireflies and the burning horses and the flaming trees, as a spiral of children climb up to the sun, waving goodbye to you and goodbye to me. As the past pulls away and the future begins, I say goodbye to all that as the future rolls in, like a wave, and the past with its savage undertow. Let's go. He promised he would leave us with a word that would light up the night or the night. But the stars hang from threads and blink off one by one, and it isn't any fun, no it isn't any fun, to be standing here alone with nowhere to be, with a man mad with grief and on each side a thief, and everybody hanging from a tree, from a tree, and everybody hanging. Butterflies and the screaming horses and your bright green eyes, so beautiful. Ah, your bright green eyes, so beautiful. Totalement bouleversant, que le dernier album de Nick Cave qui vient de sortir. Une fois de plus, en hommage à son fils qui s'est tué il y a 3 ans maintenant, je crois. Ça s'appelait Sun Forest. Juste avant, il y avait Devendra Banhart qui est revenu avec sa voix et plein de trémolo avec The Lost Coast. Et puis, avant encore, les trois jeunes filles de Joseph avec Green Eyes, avec un album, ce morceau est assez sympa, le reste un peu plus dispensable. Mais je vous conseille vraiment l'album de Nick Cave. Ça colle des frissons et ça va bien avec le temps qu'il fait dehors. Voilà quelqu'un qui lui aussi a su patiner sa voix pendant des années pour être totalement libre, car quoi de plus libre que le dernier album de Nick Cave, sans véritable morceau, refrain, couplet, etc. Pas du tout. C'est totalement libre. Et bien voici quelqu'un qui lui aussi s'amuse à être libre sur son dernier album. Le morceau s'appelle James Bond et vous allez évidemment reconnaître tout de suite la voix du vieil iguane Iggy Pop. To be your James Bond,

C'était les Pixies à l'instant, tiré du dernier album Down the Rocks avec Death Horizon. Et juste avant, c'était Iggy Pop avec James Bond. Il est temps que les vacances arrivent pour On the Rocks. Je me suis rendu compte que j'ai dit Lizzie trois fois de suite tout à l'heure, alors que c'est Lizzo, évidemment, cause I love you. Je sais pas pourquoi j'ai dit Lizzie. Enfin, bon, vraiment, il va falloir des vacances. Donc, 15 jours de vacances à venir pour On the Rocks. Je vous retrouverai après, normalement, avec une interview, après les vacances de la Toussaint, avec une interview de Last Train enregistrée jeudi soir à l'Astrolabe, si tout va bien. Et puisque nous étions dans des ambiances un peu plus tranquilles, on va encore ralentir un peu la cadence, on va rétrograder avec Cat Clyde et vraiment un très très bel album. Vous savez que je suis assez friand, voilà, c'est ça le mot, je voulais boucher à la reine, je ne sais plus, friand de l'album de Cat Clyde, et voici une version acoustique de son morceau The River. Times they are changing and times they are moving, and everything I ever knew will never be the same. I lie awake in the same old way, but there's something here and it's calling me, and I know I'll follow. I don't think about it anymore. As the summer ends, I think of our last goodbye. It's hard to imagine the seasons without you by my side. And I know this winter is going to be especially cold. Like the river, I roam along the day I'm here. Tomorrow I'm gone. I saw a group of birds passing by. They were moving like a school of fish in the sky. I hold on to that moment and keep it close to me, 'cause it's times like that that I feel so small, and I'm humble, and I feel one with all. And my roots dig deep and my branches are so high. Like the river, I roam like the river, I roll along the day I'm here. Tomorrow I'm gone. So far to trade, I just need to keep that flock of birds inside my head, and that fluttering inside my chest. Like the river, I roam along the day I'm here. Tomorrow I'm gone. Like the perdiste. I brought my camera. It stayed in its bag. People ask me all the time what I want. The answer is one: heaven. Empty. Unconditional love. A crane at the top of the lake. I'll hang like Jesus on my polling bed. Heaven is empty. If a big cold bird tried to bring me baby, I feel I would get on his back, kissing his neck, breathing down, kissing. I don't want entry. That place is empty. La magnifique voix d'Aldous Harding tirée de son dernier album avec Heaven is Empty, c'est pour Gégé. Et puis juste avant, c'était Cat Clyde avec The River. Voici quelqu'un qui vient de sortir lui aussi un nouvel album. On s'est déjà diffusé un morceau dans On The Rocks, avec une pochette tout en point de croix. C'est quand même assez joli. C'est Joshua Radin avec Your Light. C'est dans On The Rocks et c'est une nouveauté. Inside and I'm saving it for you. your light in silence, saving it for you. I kept your light in silence, saving it for you. Come get your light, it's here. I've been saving it for you. Thumb stuck out as I go. I'm just traveling up the road. Maps don't do much for me, friend. I follow the weather and the wind. I'm hitchhiking all day long. Got what I can carry in my song. I'm a rolling stone just rolling on. Catch me now, cause tomorrow I'll be gone. Family man gives me a ride. Got his pregnant Sally at his side. Yes, indeed, her children are a gift. Thank you kindly for the lift. I'm hitchhiking all day long. Climb on up, son, I'm highway bound. Dashboard picture of a pretty girl. I'm riding high on top of the world. I'm hitchhiking all day long. Once I show you just what this thing will do. Telephone poles and trees go whizzing by. Thank you, pal, she sure can fly. I'm hitchhiking. C'est par un peu d'autostop que Bruce Springsteen entame son dernier album. C'était le morceau qui ouvre le dernier album de Bruce Springsteen, Western Stars. C'était Hitchhiking à l'instant. Très très beau morceau, oui Dudu, je suis d'accord, avec des très beaux violons. Et puis juste avant, c'était Joshua Radin avec Your Light. Il est 21h33, je devrais déjà être parti. Mais Rémi de l'arrêt d'arc du sport est perdu au milieu de la tempête. Il va arriver, il m'a dit, est-ce que tu peux pousser quelques morceaux en attendant que j'arrive? Eh ben oui, je peux le faire. Eh ben tiens, on va plutôt se faire un morceau très joyeux. Alors si vous voulez ma définition d'un morceau vraiment joyeux, ben moi je vous dis celui-là. Voilà, c'est comme ça. Ça s'appelle Come Back Kid, That's My Dog. C'est un morceau de Brett Denon qu'on s'est déjà diffusé il y a quelques années dans The Rock. J'adore ce morceau. Il est absolument, voilà, je sais pas comment dire, euphorisant, joyeux, super. Eh bien voici Brett Denon et normalement vous allez... Ah, voilà Rémi, eh ben juste le morceau de Brett Denon et ensuite c'est l'arrêt d'arc du sport, 0-0 à la mi-temps. Il va vous en causer. Rendez-vous dans 3 semaines, pas d'émission dans les 15 jours à venir. Peut-être que Rémi prendra mon créneau, il vous en dira un peu plus. Et moi, je vous retrouve avec l'interview de Last Train. Ce sera après les vacances. Ciao, et voici Brett Denham. Et c'est pour l'abeille. Here we go. Oh yeah. Well, maybe it's a common curse. Maybe